Bonjour à tous, chers auditeurs de FrenchPod. Je m'appelle Amaury et je suis avec Erika. Bonjour, c'est moi, Erika. Bienvenue pour cette leçon Upper Intermediate. Une nouvelle leçon qui nous emmène dans un univers festif d'une boîte salsa. Cool, salsa. Tu aimes la musique Oui, à chaque fois que j'écoute la musique salsa, j'ai envie de danser. Je peux pas m'en empêcher, mais c'est plus fort que moi. On ne peut pas t'arrêter. Ouais. Alors maintenant, quand on écoute ce dialogue... Tu vas danser dans le studio? Oui. Il faut te le dire maintenant. Ça va, je me prépare à te voir danser. Okay. Petite question quand même, tu sais bien danser la salsa? On verra. On vous dira juste après le dialogue. Et si je te disais que la fille que tu as draguée au bal de l'été se trouvait juste derrière toi? Tu crois vraiment que c'est elle? Pas de doute. Vu comment l'histoire s'est terminée, je la reconnaîtrai entre mille. Oh non, je n'oserais jamais lui parler à nouveau. Tu m'étonnes. Elle n'avait pas trop apprécié que tu dises vouloir l'épouser alors que vous vous connaissiez seulement depuis 45 minutes. Elle est partie sans dire un mot. Je suis resté cloué sur place avec tout le monde qui me regardait. Ah oui, j'avais oublié que la musique s'était arrêtée et que tu devais être le seul à ne pas l'avoir remarqué. Mais bon, ça suffit. Je ne veux plus en parler. Je n'en suis pas fier. Moi, je trouve que tu devrais prendre le taureau par les cornes et la réinviter. Ça va pas, non? Je serais assez gêné comme ça si elle me voit. Attention, elle vient vers toi. Salut, tu te souviens de moi? Oui, bien sûr. J'ai été un peu dure avec toi la fois dernière. Tu m'invites à danser? Ah, c'est fini. Ne t'inquiète pas, Erika. On va réécouter le dialogue un peu plus tard. Ok, cool. J'attends avec impatience. Parce que j'ai pas vraiment fini. Eh bien, moi, je vous confirme. Erika sait très bien danser la salsa. Oh, merci. Avant ça, on va se plonger dans ce dialogue. Oui, en fait, on a une situation un peu gênante. Quand même, ouais. Qui est expliquée directement par un des deux garçons qui se trouve dans la boîte. Oui. Et si je te disais que... Quoi? Que la fille qu'il avait draguée... Au bal de l'été précédent. Yeah. En fait, cette fille, elle se trouve juste derrière lui. Ok. D'abord, on a le mot draguer. Et ça ne nous explique pas exactement ce qui ne va pas avec cette situation, parce que ça pourrait être une bonne chose. Il a dragué. Il l'a dragué, donc il pourrait être content qu'elle soit là. Oui. Et le mot draguer, c'est très fréquent. Vraiment, oui. C'est un autre mot pour séduire, tenter de séduire. Ouais. Parce que ça ne marche pas toujours, la drague. Ouais. En fait, ça veut dire to hit on somebody, draguer quelqu'un. Ouais. Alors, il a dragué quelqu'un où? Au bal de l'été. Bon, le mot bal. Pour moi, un bal, c'est quelque chose de 17e siècle, où il y a des gens qui dansent une valse avec des très jolies robes et tout ça. Voilà, en fait, c'était juste des fêtes où les gens dansaient avec un orchestre. Ok. Alors aujourd'hui, si on dit un bal, c'est juste un endroit où on danse. Parce qu'en fait, en français, le mot danse, si on dit une danse, ouais. En français, ça veut dire, par exemple, ce que je faisais pendant qu'on écoutait le dialogue. Voilà. C'est la danse salsa, la valse, c'est une danse. Exactement, oui. Le ballet, c'est une danse. Oui. C'est pas l'événement où on danse. Pas du tout. Ça, c'est le bal. Oui. Ici, c'était le bal de l'été où il a dragué la fille et tout ça. Voilà. Et là, donc, il continue et on sait toujours pas... Oui. S'il est content ou s'il n'est pas content. Oui. Le suspense continue. Oui, il faut toujours attendre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pas de doute. Vu comment l'histoire s'est terminée, je la reconnaîtrai entre mille. Alors, vu comment? En fait, le mot vu, ça pourrait être un synonyme pour si on considère... C'est bien ça, oui. C'est vu comment l'histoire. Si on considère comment l'histoire, par exemple. Exactement. C'est bien ce que ça veut dire ici. Il la reconnaîtrait entre mille. 1000 personnes, par exemple. Ouais, c'est ça que ça veut dire, en fait. 1000 filles, par exemple. Il serait capable de la retrouver. Évidemment, ça s'est mal terminé. Ouais, c'est là qu'on le voit. Parce qu'il n'ose pas. Il n'oserait jamais lui parler une nouvelle fois. Après ce qui s'est passé au bal de l'été? Oui. Il a dû se passer quelque chose de grave, quand même. Oui, cela s'est vraiment mal terminé, évidemment. Tu m'étonnes. J'adore cette expression. Ça veut dire que tu ne m'étonnes pas. Tout à fait. Si, par exemple, en ce moment, Amaury disait « J'ai faim », je dirais « Tu m'étonnes ». Parce que tu es toujours faim. Alors ça ne m'étonne pas. Très bon exemple. Je l'attends, en fait. Et là, il explique ce qui s'est passé. Alors, on sait maintenant que cette fille dont il parlait, eh ben, elle n'avait pas trop apprécié qu'il lui dise qu'il veuille l'épouser alors qu'ils se connaissaient seulement depuis 45 minutes. Parce qu'en fait, le problème la dernière fois, okay. qui s'est passé la dernière fois, c'est que ce type, oui. lui a demandé de l'épouser. Et tu sais après combien de temps? En fait, je le sais. C'est 45 minutes. Waouh, record du monde. Alors, pour lui, c'était un coup de foudre. Mais pour elle... Je crois pas qu'elle ait compris comme ça. Et elle n'a pas trop apprécié qu'il lui dise ça. Puisque... Quoi? Elle est partie sans dire un mot. C'est dur, ça. Ouais. Elle n'est pas très gentille, quand même. De toute façon, c'est flatteur. Elle aurait pu dire « Je suis flattée, mais... quand même. On se connaît pas beaucoup quand même. 45 minutes, c'est pas suffisant. Et lui, il ne savait pas quoi faire. Et non, il s'est retrouvé au beau milieu de la salle, cloué sur place. Cloué sur place. Il ne pouvait pas bouger. Il était cloué sur place. Et voilà, il est seul perdu. Et il est resté comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit après? Parce que c'est intéressant. Avec tout le monde qui le regardait. Ok, so, tout le monde était en train de le regarder. Oui. Alors, il est resté là avec tout le monde qui le regardait. C'est ça, lorsqu'il faisait sa déclaration. Et son ami, il n'est pas très gentil quand même. Ah oui! J'avais oublié cette partie de l'histoire, ce qui s'est passé après, que tu es resté cloué sur place. Il doit dire ça avec le sourire. La musique s'était arrêtée. Et toi? Et toi, tu devais être le seul à ne pas l'avoir remarqué. Ici, quand on emploie « devoir », que tu devais être le seul. Donc ça veut dire que c'est très probable que tu étais le seul. Ok. Bon, ça suffit. Il n'en peut plus. Il en a marre. Il sait très bien l'histoire et ce qui s'est passé. Il n'a pas besoin de son ami. Il n'en est pas fier. C'est fini. Et il dit qu'il ne veut plus en parler. Oui. Et il n'en est pas fier. Mm-hmm. So, il n'est pas fier de... l'histoire entière. Voilà, de l'histoire entière, de ce qui s'est passé. Ouais. Mais maintenant, son ami, il change un peu. Bon, je vais te motiver. Come on. Donc, il lui dit qu'il devrait prendre le taureau par les cornes et la réinviter. Okay, so, prendre le taureau par les cornes, oui. C'est la même expression en anglais. Tant mieux. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours un taureau dans cette phrase. Je me demande si l'expression existe en espagnol aussi. Je crois. Faut demander à Spanish Pod. Ouais. En tout cas, cette expression va bien ici, puisqu'on est toujours dans notre boîte salsa. Oh oui, c'est ça. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il a employé. Je me demande s'il ne le fait pas un peu marcher. Ouais, c'est possible. Est-ce qu'il répond? Il dit quoi? Ça va pas, non? Ça va pas, non? Ce qui veut dire no way, ça va pas, non? Un bras accentué, c'est vraiment pour dire jamais de la vie. Tu es fou. Ça va pas, non? Jamais. Et elle explique. Puisqu'il dit qu'il sera assez gêné comme ça si elle le voit. L'expression « comme ça » dans ces phrases, c'est un peu bizarre. Mais la meilleure façon de comprendre, c'est si tu le traduis comme « now » dans oui. cette phrase. « Je serai assez gêné comme ça si elle me voit. » Par exemple, oui. on va imaginer qu'on est en train de cuisiner. Ok. Et donc, je te demande « Est-ce que tu crois que je dois encore rajouter du sel ?» Et je dirais « Mais non, Amory, il y a assez de sel comme ça. » Oui. Et si, il sera assez gêné comme ça, s'il le voit mm-hmm. comme ça après tout ce qui s'est passé. Oui. Mais oh, attention, elle vient vers lui. Retournement de situation, événement imprévu, c'est elle qui vient vers eux et en particulier lui. Oui, j'imagine en ce moment, ils se sentent pas bien. Tutu. Il n'a pas le temps, il n'a pas le courage de partir, il est cloué sur place, encore. Et il se demande, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Non. Elle va me gifler. Mais elle ne le gifle pas. Elle dit, tu te souviens de moi? Et là, tu vois aussi, comme on disait tout à l'heure, bon, c'est déjà bien, elle est venue lui parler. Qu'est-ce qu'elle va lui dire après? Donc, à mon avis, on voit qu'il est toujours hésitant. Oui, oui, bien sûr. Et là, elle s'excuse. Et elle dit qu'elle a été un peu dure la fois dernière. Et en fait, elle l'invite à danser. Alors, elle l'invite à danser parce qu'elle dit « Tu m'invites à danser ». Ah oui, tout à fait. C'est la phrase à dire « Tu m'invites à danser ». Alors, si on est une fille oui. et on veut inviter un homme à danser, il faut dire « Tu m'invites à danser ». Voilà. Mais en même temps, malheureusement, c'est rare. Tu sais, c'est rare quand les filles invitent à danser. C'est plutôt les garçons qui invitent les filles à danser. Donc, c'est une belle histoire qu'on va réécouter maintenant. Amory, cette fois-ci, tu m'invites à danser ? Je t'invite tout de suite. Et pendant ce temps-là, on écoute le dialogue. Et si je te disais que la fille que tu as draguée au bal de l'été se trouvait juste derrière toi ? Tu crois vraiment que c'est elle ? Pas de doute. Vu comment l'histoire s'est terminée, je la reconnaîtrais entre mille. Oh non, je n'oserais jamais lui parler à nouveau. Tu m'étonnes. Elle n'avait pas trop apprécié que tu dises vouloir l'épouser alors que vous vous connaissiez seulement depuis 45 minutes. Elle est partie sans dire un mot. Je suis resté cloué sur place avec tout le monde qui me regardait. Ah oui, j'avais oublié que la musique s'était arrêtée et que tu devais être le seul à ne pas l'avoir remarqué. Mais bon, ça suffit. Je ne veux plus en parler. Je n'en suis pas fier. Moi, je trouve que tu devrais prendre le taureau par les cornes et la réinviter. Ça va pas, non? Je serais assez gêné comme ça si elle me voit. Attention, elle vient vers toi. Salut, tu te souviens de moi? Oui, bien sûr. J'ai été un peu dure avec toi la fois dernière. Tu m'invites à danser? We're back. Great dancing. Super. C'était un plaisir. I mean, my feet hurt a little bit, but that's okay. Don't worry, I'm right. Okay, we had a instance of the subjonctif in this dialogue. Oui. It was a sentence with apprécier. What's the sentence? Elle n'avait pas trop apprécié que tu dises vouloir l'épouser. Blah, blah, blah, blah. Okay, so apprécier que with subjonctif. Je n'apprécie pas que tu aies marché sur mes pieds when we were dancing, Amory. I'm just saying. Oui, mais moi, par contre, j'apprécie que malgré ça, tu viennes quand même danser avec moi ce soir. Well, we'll talk about that later. I'll think that one over. But j'apprécie que tu sois content d'avoir dansé avec moi. Je t'ai dit, c'était avec un grand plaisir. Okay, good. En fait, c'est rare quand une fille m'invite, alors. Right, and I see why. So, don't forget, apprécier que uses the subjonctif. That's your one subjonctive tip for the day. Yep. Okay, so we have le bal de l'été. Voilà, c'est fête. Right. Et en fait, ce sont des occasions de se retrouver et de danser. But these aren't in, obviously, in the big cities, really. It's more in the smaller towns, right? Souvent. Okay. Oui, c'est vrai que les gens maintenant vont plus en boîte. They have nightclubs now. Ouais. So it's probably more in like the smaller towns where maybe there's not a lot of nightlife. They ouais. organize mm-hmm. these balles de l'été. Oui. Where les hommes trahent les filles. Eh oui. So do women usually ask guys to dance? Non, pas trop. Okay. Non, malheureusement, c'est souvent l'inverse. Surtout dans une boîte salsa. Okay. Oh, comme yeah. on a ici. All right. Okay. This is just because she's trying to, you know, make up for the last la fois dernière, ce qui s'est passé. Elle est très gentille ici. Bon, voilà, maintenant il est temps pour nous de terminer cette leçon. Okay. And if you make sure you come visit the website frenchpod.com if you have any questions. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allez sur le site, laissez vos commentaires, entrez dans les discussions. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. À la prochaine.